بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب في الدرس الماضي أخذنا ماذا تقريبا؟ الكلام. ثم قلنا أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة حتى من؟ الاسم. لا، هذه الكلمة. أنا أتكلم في الكلام. الكلام ينقسم إلى كم؟ ما هما؟ خبر. خبر. و إنشاء. إنشاء. C'est quoi le خبر؟ On avait dit. خبر c'est ce que tu peux démentir ou affirmer. Et le إنشاء. إنشاء tu peux pas le démentir. Et souvent ça vient sur que c'est quoi le إنشاء؟ أمر. أمر النهي. Et c'est ça le maqsoud dans ce bablou, le خبر. Là le شيخ l'a cité pour citer le قسم. خبر le قسم إنشاء. Et en réalité, dans ce fun-là, ce qui nous intéresse, c'est l'Incha. Comme cela va venir par la suite, dans le dars d'aujourd'hui. Après, on avait dit que... on avait pris un autre taksim. On avait pris Al-Haqiqa wa... Al-Majaz. Al-Haqiqa, on avait dit qu'il y avait trois formes de Haqiqa. Tu t'en rappelles? Trois formes de... Non. Al-Haqiqa, al-Shar'iyya. Non, Shar'iyya. Al-Lughawiyya. Al-Lughawiyya. Al-Urfiyya. Al-Urfiyya. Ahsanta. Et là, c'est une chose qu'il faut mettre en évidence pour surtout ceux qui traduisent, que ceux qui n'ont pas étudié ce genre de aqsam, cette différenciation entre ces formes de akhbar, quand ils traduisent, ils peuvent être amenés à se tromper. Ils vont traduire مثلاً, un mot dont le sens est voulu et shadri, ils vont te traduire avec un sens lorawi, ou le contraire. Donc même la traduction, quelqu'un il a beau avoir des connaissances en langue arabe, s'il rentre dans la traduction des choses liées à la sharia, il faut qu'il fasse attention. Car ce n'est pas toute personne qui parle arabe et français qui est forcément apte à traduire toutes les terminologies employées dans la science. S'il ne la connaît pas, il ne l'a pas étudiée, il ne sait pas ce qu'elle veut dire. Fayuntaba. Surtout au site, fait par des inconnus, tu ne sais pas qui ils sont, ni rien du tout, ils n'ont même pas étudié. Et ils traduisent des choses dans des fatawa. Et peut-être que même que les termes des ulama qu'ils emploient, ils n'arrivent pas à différencier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc faut faire attention à ça. De regarder de qui on prend la science. طيب الان واصل donc comme on avait parlé de insha dans le dars précédent aujourd'hui on va prendre babu al amr car le amr rentre dans le insha al amr c'est ce qu'on appelle l'ordre c'est-à-dire l'impératif on avait fini ça on avait fini non قال تعريفه رحمه الله تعالى الامر قوله يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. Donc le amr c'est une parole qui inclut une demande d'acte avec une connotation de supériorité, d'autorité. Un exemple, أقيم الصلاة accomplissez la salat ou آت الزكاة acquittez-vous de la zakat. Ça ce sont des ordres. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا فإن أفادت معناه. Donc il a dit dans le tarif, on a dit qaul. C'est une parole. Donc cela exclut quoi? Une indication, un geste. Car même si elle a un sens des fois de ordre, on n'appelle pas ça un amr dans la charia. Si tu dis à quelqu'un avec ta main, pour lui dire de s'asseoir comme ça, tu baisses ta main pour dire assieds-toi. C'est un ordre que tu lui donnes. Mais on n'appelle pas ça amr dans cet istilah. فخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به Et il dit, par notre parole, la demande d'acte, c'est-à-dire qu'on demande une demande d'acte, cela exclut quoi ? Nahi, l'interdiction. Qui, elle, est une demande de délaissement. Nahi, c'est que tu délaisses une chose. On entend le tour que tu délaisses une chose. Et là, l'âme, c'est qu'on te demande de faire une chose. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهم وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بقرائن. Et il dit dans notre parole, avec une connotation de supériorité ou d'autorité, cela exclut l'iltimès, c'est-à-dire l'égalité entre les personnes, et dua, ou autre parmi les choses qui sont employées dans les formules impératives, mais dont on détermine le sens par des indices. Car ce qu'on appelle un amr, un ordre, c'est donné d'une personne supérieure à une personne inférieure. Comme Rabbuna ma'ana, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'ana, les gouverneurs avec nous, les savants avec nous, le père sur son fils, le grand frère sur son petit frère, le mari sur sa femme. Quand c'est égal, ça s'appelle iltimes. Et ça s'appelle souel en fait. Et quand c'est du adna et l'arala, d'une personne inférieure à une personne supérieure, ça s'appelle un dora que tu fais en fait. Par exemple, quand tu dis Rabbi irhamni, Ya Rabbi irhamni, fais-moi miséricorde. La forme du verbe, elle est quoi? Impérative. Mais jamais tu vas dire que tu donnes un ordre à Allah subhanahu wa ta'ala, abadan. Ça s'appelle comment ça? Un dua. Mais sa forme est l'impérative. On n'appelle pas ça un amr. Pourquoi? Parce que là, c'est de l'inférieur au supérieur. Ou pareil avec ton père, mathalan. Dis ya abati, ishtarili kaza. Achète-moi telle chose. C'est pas un ordre que tu donnes à ton père. Bien que la forme est impérative. C'est une demande. Azaw. Donc attention à l'amr, là, dans ce istilah, c'est forcément avec un côté de supériorité. Qal, siyar al-amr, les formulations du amr. Comment on reconnaît que c'est un amr? D'accord? Qal, siyar al-amr arba'a. Elles sont les quatre. Fi'lu al-amr, mithl, utlu, mawhiya ilayka min al-kitab. Donc, première chose, un verbe, un impératif. Comme la parole d'Allah dans le sens où il dit, et lis ce qui t'est révélé du livre. La cloche est là, utlou. Lis, de ta laïe utlou. Donc, ça c'est le premier, un verbe, un impératif. Thania, deuxième formule, ism fi'l, al-amr, misl, hayya ala salat. Ce qu'on appelle un ism fi'l, c'est un ism. C'est un nom, mais qui a sens de fi'l. Il peut être ism fi'l pour un sens de verbe au passé. Ça peut être ism fi'l pour un mudhari et ism fi'l pour l'impératif. Par exemple, hayya ala salat, comme on dit dans l'adhan, qui veut dire akbilu, is'au. On traduit ça par accourir. C'est un ism à la base, c'est pas un verbe, mais il a un sens d'un verbe à l'impératif. Tu dis à quelqu'un, Mathalène, ça veut dire tais-toi. Et pourtant, ça, c'est un ism, car tu dis sahin, il y a un tanouin. Et en arabe, il y en a plein des comme ça. Ism fial. Thalithan, al-masdar al-naib, an fial amr. Maintenant, c'est mithl, faïdhe, laqaytumul lazina kafaru, fadarab al-riqab. Donc maintenant, c'est le masdar qui remplacerait un verbe à l'impératif. Un masdar, il vient tout seul, il a un sens d'un verbe impératif. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et si vous rencontrez ceux qui ont mécru, alors frappez les nuques. Et là, dans le verset, c'est fa darab. Darab, là, c'est le masdar de darabaya yadribu. Mais là, c'est le sens idribu. D'accord? Idribu. Donc là, le masdar tout seul peut avoir un sens de fi'l amr. Comme le prouve ce verset. En français, on n'a pas d'équivalent, à ce qui me semble. Ou aussi, par exemple, tu dis, les gens ils parlent, tu dis silence. Par exemple, on peut dire quoi silence? Taisez-vous. Si, on peut dire comme ça. Tayyib. Rabi'an al-mudhali' al-makroun bi lam al-amr. Mithl, li tu'minu billahi wa rasoulihi. Donc là maintenant c'est le verbe mudarir qui sera attaché au lem amr qui est un harf jazm qui s'appelle lem amr, c'est un lem qui est dans le verbe et qui fait que le verbe il devient impératif. Sauf que là l'auteur dans le verset qu'il a cité s'est trompé, il a mis un lem, là c'est lem ta'lil, c'est pas lem amr. Là le verset serait pour que vous croyez en Allah et en son messager. Et un verset qui serait plus convenable à mettre là, comme l'a cité Shir Shamiri en bas dans son charh à lui, il dit ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. C'est-à-dire, dans Surat al-Hajj, verset 29, où elle dit ensuite qu'ils annulent leurs interdits et qu'ils remplissent leurs vœux. Là, c'est pour celui qui est muhrim, c'est-à-dire haram. Il y a des choses qui lui sont interdites. Le verset veut dire quoi par là? Que maintenant, les choses interdites, ils y ont droit. Et qu'ils remplissent leurs vœux. Comme je dis, Mathalen, Foulen, Takoul, Poul, Lizaid, Liajlis, Liazaid, qu'il s'assoit. C'est un Amr. Donc là, le Lem, il est rentré. C'est Sirat et Amr. Ça s'appelle, d'ailleurs, Lem et Amr. Et le verbe qui est derrière, le Majdoum, on verra ça, Inch'Allah, dans les Koutoub de Nahou. Donc là, c'est les quatre siyars, quatre formulations qui démontrent l'amr. Thumma qal, wa qad yustafadu talab al-fi'l min ghayri sirati al-amr. Misl an yusaf bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun aw ta'atun ay yumdahu fa'ilu. Ay dhamm tariku aw yatarattab ala fi'lihi thawab aw ala tarkihi 'iqab. Donc également, on peut trouver d'autres choses qui indiquent un sens d'impératif. Comme par exemple, qu'une action soit décrite comme étant une obligation en elle-même. La salen, qu'un fikul azza wa jal, faridatan min Allah, dans surat al-Nisa. Donc là, il écrit farida, c'est-à-dire que c'est une obligation, cet ordre-là. Ou également, dire que c'est une chose qui est wajib. Comme le qawl, la salen, rusul jumu'a, wajibun ala kulli muhtalim. Que le lavage du jumu'a, le bain du jumu'a, est obligatoire. Pour tout muhtalim. Là, c'est écrit quoi? Wajib, c'est-à-dire que c'est un ordre. Ou mandoub. Une chose qui est décrite comme étant une chose mustahabba. Tamam? Ou alors, une chose qui est décrite comme étant une ta'a. C'est une obéissance à Allah SWT. Ou une chose dont on vante celui qui l'accomplit. Ou une chose de contraire dont on réprimanderait celui qui l'accomplirait. Qui la commettrait. Ou alors, un acte sur lesquels il y aurait une récompense à tirer, ou alors une mauvaise attribution pour celui qui le délaisserait, comme on l'a appris dans la définition du wajib. Tout cela sont des choses qui amènent à donner l'apparence de l'ordre. Après, avec le Qara'in, tu veux savoir est-ce que c'est mustahab, est-ce que c'est wajib, akada. Qal, faslun, ma taqtadi sirat al-amr. Qu'est-ce qu'implique cette forme impérative? قال صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المامور به والمبادره بفعله فورا. Donc cette formulation, qu'est-ce qu'elle implique? Que il est obligatoire d'accomplir cette chose ordonnée et qu'il faut le faire sur le champ. Maintenant, le faire sur le champ, c'est une chose sur laquelle il y a khilaf. D'accord, c'est pas tout le monde qui voit ce qu'on là. قال فمن من الادله على انها تقتضي الوجوب قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Donc parmi les choses qui démontrent que l'ordre c'est cela implique l'obligation, la parole d'Allah dans le sens où il dit que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, c'est-à-dire à l'ordre de qui? Du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il ne soit atteint par une fitna ou qu'il ne soit atteint par un dur châtiment. Donc, c'est-à-dire que Allah met en garde à ceux qui s'opposent à son ordre. D'accord? Qu'est-ce qu'il en découle? Une mauvaise attribution. Ce qui prouve que c'est obligatoire. On avait pris dans le talif d'Amr. Anna tariqahu yastahiq al-iqab. Celui qui le délaisse mérite un châtiment. Donc là, une telle menace ne peut venir que sur le délaissement d'une obligation. Ce qui implique que lorsqu'un ordre vient, la base, c'est que c'est une obligation. وَمِنِ الْأَدِلَّةِ أَلَا أَنَّهُ لِلْفَوْرِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Et parmi les preuves que l'ordre doit être accompli sur le champ, la parole dans le sens où il dit « Et hâtez-vous dans les actes de bien. » Maintenant, tu as des actes, parfois, on a des adillets à part. Là, c'est un nitlaq. Des fois, on a des adillets qui montrent que certaines adorations ne sont faites qu'en des moments spécifiques, pas avant leur temps. Ça, c'est dans quoi ? Dans les arkam al-wad'iyya qu'on a pris. Par exemple, aqimus salat, faites la salat, ça ne veut pas dire que tu l'as fait maintenant. Après, il y a des adillets qui te disent qu'il y a un temps. Mais la base, c'est qu'un ordre, c'est que tu le fais sur le champ. Et lui, ça, مثلاً, le shir, il cite, parmi les choses qui démontrent cela, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر وحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était parti pour faire le hajj avec les sahaba, après qu'ils soient arrêtés à l'Hudaybiya, les mouchriquins sont venus pour faire un pacte avec lui. Eux, ils étaient tous prêts pour faire le hajj avec leurs animaux et tout. Après, ils ont mis un accord avec l'Hudaybiya, les mouchékounes, de leur dire, vous ferez le hajj l'année prochaine. Donc là, il a fait quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dû ordonner aux sahaba de se désacraliser et de sacrifier leurs animaux et de se raser la tête. Les sahaba étaient tellement, tellement attristés de la nouvelle qu'ils n'ont pas, sur le champ, ils n'ont pas obéi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez Salama, il était en colère parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'il a dit sur le moment. Ils n'ont pas désobéi parce qu'ils ne voulaient pas obéir, mais ils étaient consternés par la nouvelle. Et après, Salama leur a dit, ben, qu'est-ce que j'irai de faire? De sortir lui et de faire les choses lui-même, et quand ils vont le voir faire, ils vont agir aussi. Ils sont consternés par ça, donc ils n'ont pas réalisé la situation. Donc elle lui a dit, sors-toi, désacralise-toi, rase-toi la tête et égorge ton animal. Et quand ils vont te voir faire, ils vont obéir. Il agit de la sorte et ils ont agi, les sahaba, directement. À tel point que certains ont dit que tellement ils se rasaient la tête qu'ils ont failli se blesser avec les lames, tellement ils sont précipités à agir. Et ça, c'est parmi la dilla que Cheikh Yahya sort, que la darwa des actes est plus influente que la darwa de la parole. Ce que tu fais en acte influe plus sur les gens que tes paroles. Donc là, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il leur a dit d'agir, il devait agir sur le moment. Mais non, ils ont tardé. وقال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. Donc il dit pourquoi? Car le fait d'accomplir sur le moment, cela est plus prudent pour toi plutôt que de le retarder. Car retarder un acte peut amener à de mauvaises conséquences, comme le fait, مثلاً, de ne pas agir par la suite ou d'être dans la capacité de pouvoir le faire. Même les koufars, ils ont une phrase qui sort, qu'ils ont sûrement dû avoir volé des arabes, que pourquoi reporter au lendemain, c'est pour faire le jour même, masalan. La chose, tu peux la faire dès maintenant, fais-la. D'ailleurs, il y a le hadith venu, où Ibn Omar, il dit, « وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرْ الْمَسَى وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرْ الصَّبَحْ. » Si jamais tu es au matin, n'attends pas le soir, c'est-à-dire agis dès maintenant ce que tu as à faire, ne reporte pas. Si jamais tu viens le soir, n'attends pas le matin. Donc ça confirme bien le fait que ce que tu as à faire, plus vite tu le fais, mieux sera pour toi. Tant que tu rentres dans les temps, il y a ni désigné par la religion. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. فيخرج عن الوجوب إلى معادين. Donc il a dit qu'il se peut que cet ordre, cette obligation et cette connotation d'agir sur le moment sortent de ce contexte et viennent à un autre sens. C'est-à-dire, ce que tu vois comme étant une apparence impérative, qui est un ordre, une obligation, quand même, peut sortir de son contexte avec des qara'in, pour arriver à d'autres sens. Maintenant, il va citer les autres sens que peuvent avoir les formes impératives. Awalen, an yakun manduban, istihbab, que la forme impérative peut impliquer une chose recommandée, non pas une chose obligatoire. Café Kolilai Azawajel, ou Ashhidu, Izetaba Yehatum. Et faites témoigner si vous faites un négoce, c'est-à-dire dans le commerce. Donc là, dans le verset, ou Ashhidu, c'est un ordre. C'est-à-dire quand tu fais une vente ou quelque chose, prends des témoins. On pourrait dire, donc c'est obligatoire de faire cela. On dirait un non, car comme le chien l'indique par la suite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a acheté un cheval d'un bédouin et il n'avait pas de témoin avec lui. Pas même, il n'est pas de témoin avec lui. Ce qui prouve que c'était quoi ? Mustahab. Ou comme dans les dates, dans les duyoun, dans Sourate al-Baqara quand c'est venu, « Ya ayyuhal lazina amanu, idha tadayyantum bid-daynin ila ajalin musamma faktubu. » Oh, vous qui avez cru, si aimez-vous contacter une dette avec un délai, alors écrivez-la. Et pourtant, il a été connu que le sahaba et le nabi sallallahu alayhi wa sallam ont déjà agi de la sorte sans avoir pris le témoin. Donc c'est mustahab, ce n'est pas wajib. Donc tu le sais comment ? Par d'autres indices, par d'autres faits qui te montrent que ce n'a pas été rendu obligatoire en soi. Donc ça c'est le premier, que ça devient mustahab. Thaniyan al-ibaha, la permission. قال هو اكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر او وجوبا لما يتوهم انه محظور مثاله بعد الحظر قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. Donc également cela peut avoir un sens de permission, car le shir c'est une règle que tout ce qui vient en forme impérative après avoir interdit, cela inclut que la chose elle est rendue permise. C'est quoi la preuve qui se sort ? C'est la preuve dont il se sert. C'est la parole d'Allah dans le sens où il dit : et si jamais vous désacralisez, alors chassez. C'est-à-dire que lorsque tu es en ihram, c'est ma'ruf, le muhrim, il n'a pas le droit de chasser. D'accord ? Et là, il dit : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُ. فَاسْتَادُ, qui veut dire chasser. Si jamais vous désacralisez, alors chassez. Est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire que tu chasses ? Non, pour dire que, en fait, c'est devenu permis pour toi. Car avant que l'interdiction ne vienne, c'est une chose permise. Si une forme impérative vient pour agir après une chose qui a été rendue interdite, alors cet acte te devient permis. Cependant, cette règle-là, elle n'est pas telle qu'elle, en réalité. La vraie règle, c'est que al-amr ba'd al-hadar yarji' ila ma kana 'alayhi qabl al-hadar. C'est-à-dire qu'en réalité, l'ordre qui vient après une chose qui a été rendue interdite te rend la chose au jugement qu'elle avait avant l'interdiction. En réalité. C'est-à-dire que c'est une chose qui est obligatoire, elle devient obligatoire. C'est une chose qui était mustahabba, elle devient mustahabba. C'est une chose qui était permise, elle devient permise. Ça va s'éclaircir par l'exemple que le shir il a cité, Cheikh Chamiri. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cette femme qui est venue le voir par rapport à l'istihadha, ce qu'on appelle métrouragie en français, le sang qui coule mais qui n'est pas un sang des menstrues. Il lui a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Qala fa idha aqbalat haydatuki fad'i as-salah wa idha adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli. Donc ça veut dire quoi ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme : si jamais tes menstrues viennent, alors laisse la salat. La salat avant qu'elle les menstrues viennent, c'était quoi son hukm ? Obligatoire. Il a dit : si jamais les menstrues viennent, laisse la salat. La salat est interdite pour toi. Si jamais tes menstrues s'arrêtent, lave ton sang, lave-toi, purifie-toi, et après salli. C'est un ordre. Pour dire qu'en fait, le jugement d'après l'interdiction revient à ce qu'il était avant l'interdiction, c'est-à-dire obligation. Si une chose avait été rendue comme là dans le verset, il était permis de chasser avant l'ihram, une fois que tu as fini ton ihram, et ben le jugement reprend sa place, c'est-à-dire permission. Même si Allah dit fastadou, c'est-à-dire en fait, vous pouvez chasser comme vous le faisiez auparavant. C'est ça la règle. Qu'un ordre qui vient après la levée d'une interdiction, cet ordre prend le jugement de ce qu'il avait avant que ne vienne l'interdiction. Avahu. Al-amr ba'd al-hadar yarji'u ila ma kana 'alayhi qabl al-hadar. Tu verras beaucoup de gens citer la règle que Cheikh Othmane a citée là, cette règle-là, fait un anvar. Comme le prouve ce hadith et d'autres. Pareil. Donc là, première chose, on a dit, ça peut être mustahab. Deuxième chose, la permission. Mais en vrai, on a dit que ce n'est pas la permission. En fait, ça reprend le jugement d'avant l'interdiction. C'est tout. Ce n'est pas que la permission. Troisième chose que le Sirat al-Amr peut avoir comme sens, est tahdid. C'est-à-dire que tu es mis au défi ou tu es menacé. Comme encore l'Azza wa Jal, I'alamu ma shi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Faites ce que vous voulez. Allah est parfaitement voyant de ce que vous faites. Donc Allah il dit I'amanu mashittum. Est-ce que c'est un ordre que tu fais ce que tu veux? Non, car on a d'autres preuves qui disent que justement il y a des choses qui sont interdites de faire. C'est pour dire en fait, fais ce que tu veux, par la suite, tu en paieras les conséquences. Kafikul la Azza wa Jal, Kamakol, je me rappelle du verset. وَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنِ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرِ. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit. Amen. Ça veut dire que tu as le choix en réalité? Non, ça veut dire que toi, tu as le libre au choix en toi de le faire. Si tu veux le faire, tu le fais. Tu ne fais pas, tu ne fais pas. Mais toi, à la base, tu as l'ordre de ne pas le faire. Maintenant, toi, choisis ce que tu veux. Mais après, assume ce qui va en découler comme conséquence. Donc là, quelqu'un va dire, « Khlas, Allah, il a dit, « Yamalu mashittum, je fais ce que je veux. » On dit non. Cet ordre-là n'est pas venu pour te dire fais ce que tu veux. Pour te dire maintenant, toi, là, tu as le libre choix d'agir comme bon te semble à toi. Mais par la suite, si jamais ce que tu fais là est une chose interdite, alors tu en paieras le prix. Si Allah veut te le faire payer. Et tu as des choses que tu vas payer sûr, comme le kufr, mathalan. Le kafir, lui, c'est sûr. Il ne sera pas pardonné. Quelqu'un, il dit, Yamanu Mashittum, il dit, khalas, moi, alors je vais boire de l'alcool. Allah, il a dit, Yamanu Mashittum. On dit, il y a d'autres hadiths et d'autres ayats qui disent que le khamr c'est interdit. Il dit, oui, mais Allah il a dit, Yamanu Mashittum. Il dit, khalas, bois. Tu veux boire, bois. Mais par la suite, tu as connu les autres adillets qui l'interdisaient. Sur toi, pleine la menace, ne te plains pas par la suite si jamais il t'arrive de fâcheuses conséquences. Waqal, wa yakhruju al-amru an al-fawriya ila al-tarahi. مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به ولكن دل دليل على أنه للتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان أو إلا في شعبان وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit maintenant ce côté qui indique d'agir sur le moment, sur le champ, instantanément, l'ordre. Il peut sortir de cela par des qara'in, des indices, comme on l'a expliqué. Mathalan, le fait de rattraper les jours de Ramadan que tu n'as pas fait. La base, c'est que tu dois les faire tout de suite. Parce que Ramadan, il faut le faire. La base, c'est ça. Maintenant, on a des hadiths qui montrent qu'on peut le retarder. Comme ce fut le cas de Aïcha, qui a dit qu'elle avait des jours de Ramadan à rattraper et qu'elle ne pouvait le faire qu'après Sha'ban, c'est-à-dire presque un an après. Pourquoi? Qu'elle était occupée par le service qu'elle donnait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si jamais ce n'était pas permis de retarder, elle ne l'aurait jamais fait. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cautionne une chose, il est d'accord. Il a laissé faire, ça prouve que c'est permis. Qu'elle retarde. D'accord. Après, c'était la règle. Wa ma la yutam al-ma'muru illa bihi idha tawaqqafa fi'lu al-ma'mur bihi ala shay'in kana dhalika shay'an ma'muran bihi. Donc il dit que si une chose un ordre ne peut être accompli que par le biais d'une chose permise, bien entendu, alors cette chose devient elle-même comment? Comment elle devient cette chose? Si tu ne peux accomplir un ordre que par le biais d'une chose permise, que prend le jugement de cette chose-là? Elle devient elle-même obligatoire. On a pris de la règle. Que c'est al-wasa'il laha hukm al-maqasid. Que les moyens prennent le jugement des objectifs. Donc si tu ne peux accomplir une obligation que par un moyen, comme on dit bien sûr, permis, alors cette chose permise devient obligatoire. On l'avait dit au début. Tu ne peux accomplir un mustahab que par le biais d'une chose permise. Donc cette chose permise devient mustahab bakadali qui apprend, tu prends la récompense qui en découle. Et également le contraire. Que si jamais tu accomplis un interdit par le biais d'une chose permise, cette chose permise prendra te fera subir un péché de l'avoir utilisé pour commettre ce péché, on va dire. Ou le makrouh kazalik. Il dit, مثال الواجب سطر العورة. Un wajib, le fait de cacher sa aura, les parties intimes, qui sont pour l'homme du nombril au genou. Donc là maintenant, toi, tu es là, tu n'as rien pour cacher ta aura. À ce moment-là, il était obligatoire de t'habiller et de mettre un vêtement, bien sûr, qui est légiféré pour cacher ta aura. Et c'est là le verset d'Allah où il dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ô fils d'Adam, prenez votre parure pour le masjid. C'est-à-dire, en fait, couvrez vos parties intimes pour aller au masjid. Donc, c'est un ordre. Et c'est parmi les shurut de la salat. Que tu caches tes parties intimes. Donc là, à ce moment-là, il t'est obligatoire de porter un vêtement recouvrant ces parties-là. Le vêtement lui-même, il n'est pas obligatoire. Mais pour ce, en vue d'arriver à cet objectif qui est de cacher ta aura, tu dois mettre un vêtement sur toi. Et si jamais tu ne l'as pas, il t'est obligatoire de l'acheter. De trouver une façon de l'acheter, de l'acquérir. Si on te le donne, alhamdoulilah. Si on te le prête, alhamdoulilah. Tu ne peux pas être à l'argent, il t'est obligatoire d'acheter ce vêtement pour cacher ta aura. Salat ou pas salat. Même en dehors de salat, la aura, il faut que tu la caches. Naam. Une chose qui est mustahab, le chien le cite comme exemple, se parfumer pour le Jumu'ah. Donc demain, si jamais tu vas acheter du parfum pour le Jumu'ah, c'est mustahab, tu auras la récompense du mustahab. D'accord ? C'est-à-dire, car le commerce, à la base, c'est permis. C'est pas une chose obligatoire. Et bien là, pour toi, ça va devenir mustahab d'acheter du parfum. Fahemt ? Non. Donc c'est ça qu'on a pris aujourd'hui, qui était l'amr, avec ceux qui s'y attraient comme règle. On a pris les siyar, les formulations de amr. Après, on a vu qu'est-ce qu'impliquait le amr. Et après, on a vu des siyar de amr, formulations de amr, qui en fait indiquent un autre sens que l'obligation. Non. هذا هو درسنا اليوم. Et le prochain inshallah, ce sera un nahi avec le taklif. Inshallah ta'ala. مفهوم هذا الدرس فإلى هنا والحمد لله رب العالمين